إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Qad aflaha man aslam. Certes, a réussi celui qui est devenu musulman. Aslam, le verbe aslama yuslimu fa'alwa muslim. Donc, a réussi celui qui est devenu musulman. Wa ruziqa kafafa. Et à qui on a donné une subsistance qui lui suffit. Pas plus, qui lui suffit. Wa qanna'ahu Allahu bima ataahu. Et Allah Azza wa Jal lui a mis comme suffisance, c'est-à-dire qu'il ne demande pas plus que ce que Allah Azza wa Jal lui a donné. D'accord ? C'est-à-dire qu'il est muqtani'a. Il est convaincu dans le sens, il est ce que Allah Azza wa Jal lui a donné comme foi qui est l'islam, ça lui suffit. Et dans la dunya, avoir juste une substance qui lui suffit de ne pas mourir de faim, eh bien cela lui suffit, il ne demande pas plus et il en est heureux. Rawah Muslim, ce hadith est rapporté par Muslim. Et sachez que ce hadith, c'est la clé du bonheur dans cette dunya, dans cette vie d'ici-bas, wa fil akhirah, et dans la vie d'au-delà, de l'au-delà. Ce hadith, c'est quelques paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi ces paroles? C'est la clé du bonheur. On va dire l'adresse du bonheur. On va dire en français, on va plutôt dire miftah ou saada, la clé du bonheur. Eh oui, c'est quoi le bonheur sur terre? C'est d'être simplement heureux. Donc celui qui se contente et qui se suffit de ce qu'il a, il est heureux dans sa spiritualité. Il a l'islam. Il sait que s'il meurt sur l'islam, inchallah, il va au paradis. Il est heureux. Il ne souffre pas de la faim. Cela lui suffit. Il ne cherche pas plus à avoir toujours plus d'or, d'argent, etc. Il est heureux. Et quand ça sur terre, donc, il a le bonheur. Et quand il meurt, Inch'Allah, il va au paradis. Et là, il a le bonheur éternel. La béatitude éternelle qu'Allah Azza wa Jal nous fasse rentrer au paradis. Et nous rende à ce qu'on agrée ce qu'il nous a donné dans cette dunya. Maintenant, nous prenons le cours de fiqh, Inch'Allah. Nous sommes toujours dans le chapitre de la zakat. Hier, nous avons fini le fait de savoir comment on sort la zakat de ceux qui ont des chameaux. D'accord, on avait vu, on avait fait les calculs. Maintenant, on va voir pour les vaches. Donc, quand je dis les vaches, c'est-à-dire vaches, taureaux, bœufs, il y a ici ce qu'on appelle al-gamous. Al-Jamous, c'est-à-dire tout ce qui est qui ressemble aux vaches, comme les mufles, d'accord, ou les buffles. Qala Abu Shuja, rahimahullah, faslun. Donc un sous-chapitre. Dans quoi? Dans Nisab Zakat al-Bakar. Dans la part de la zakat de al-Bakar. Donc Bakar, ça englobe tout ce qui est vache. وأول نساب البقر ثلاثون. Donc la première part pour la vache, c'est-à-dire pour la zakat, donc à partir de quand on paye une zakat, ثلاثون, c'est à partir de 30 vaches. Donc une personne, un musulman ou une musulmane qui possède une vache ou deux ou trois jusqu'à 29, eh bien il ne sort pas de zakat, même si elle coûte très cher. À partir de 40 vaches, donc s'il possède 40 vaches, excusez-moi. Donc une personne qui possède de 1 à 29 vaches, vache ou taureau ou bœuf, hein, ou jamous, derrière les buffles, d'accord? Eh bien, il ne sort pas de zakat. Mais à partir de 30 vaches, à ce moment-là, il va sortir une zakat. Et de 30 à 39, donc s'il possède 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 vaches, d'accord, il va donner ce que, comme le dit Abu Shuja, rahimahullah, wa fiha tabi'un. Tabi'un. Et dedans, il doit donner, donc s'il a de 30 à 39 vaches, il doit donner comme zakat ce qu'on appelle tabi'un. C'est quoi tabi'un? Hiya al-baqarata laha sanatan wa dakhalat fi thalitha. C'est une vache qui a 2 années et qui est entrée dans la 3e année. Donc une vache qui a au minimum 2 années, d'accord, qui est entrée dans la 3e. Donc il doit sortir ça, comme a dit l'imam Abu Shuja rahimahullah. Et ça, c'est jusqu'à 39 vaches, parce qu'à 40, ça va être autre chose, comme on va le voir. Mais là, je vais donner une indication en plus. C'est l'imam Ash-Shawqani, rahimahullah, comme il a dit dans son livre Ad-Durar al-Bahiyya, il dit ceci. Donc il a dit quoi? Donc de 30 à 39 vaches, on sort quoi? Tabi'un ou tabi'a. On sort un tabir, donc c'est-à-dire un taureau, un mâle, une vache mâle, d'accord? Ou tabi'a ou une femelle. Contrairement à ce qu'on avait vu pour les chameaux, c'est seulement des chamelles, sauf le cas où on avait vu par rapport, comment dirais-je, au Bint Mahad et au Ibn Laboun. Rappelez-vous. Donc là, Sahid, bon, pour ce qui est des vaches, celui qui possède 30 ou jusqu'à 39 vaches, il sort soit une vache ou... Je ne vais pas dire un vache, on ne dit pas un vache, mais on dit un veau, un taureau, qui a 2 années, qui a 2 ans. Ensuite, l'imam Abu Shuja, rahimahullah, a dit « Wa fi arba'in musinna » Et dans 40 vaches, donc dans 40 vaches jusqu'à 49 vaches, on doit sortir « musinna ». Alors, c'est quoi « musinna » Laha excusez-moi, je me suis trompé de définition. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Je reviens à ce que je me suis trompé. Quand je lui ai dit tabir, une tabir, c'est ce que je vous ai dit que ça fait 2 années, je me suis trompé. Et tabir, wa ibn sana wa darala fi thaniya. C'est un tabir, c'est un taureau qui a 1 année révolue, donc il est rentré dans la 2e année. C'est-à-dire qu'il a 1 année et 1 jour au minimum. D'accord? Excusez-moi. Et donc, il a dit tabir, donc, comment dirais-je, c'est soit qu'on sort un tabir ou soit on sort Tabira ou une vache d'une année. Je me suis trompé par rapport aux années. Starfurullah, excusez-moi. Donc je reprends au début. Donc le minimum qu'on doit sortir à partir de quand? Le minimum à partir de quand on doit sortir la zakat quand on possède des vaches ou des taureaux ou des bœufs, c'est à partir de 30. Il y a quelqu'un qui a une vache ou jusqu'à 29, il ne sort pas de zakat. À partir de 30, il sort la zakat. Quand il est de 30 jusqu'à 39, il sort ce qu'on appelle tabir. Ou un tabira, donc soit un taureau d'une année, ou soit une vache d'une année. Il a le choix entre les deux. Ensuite, dans 40 vaches, jusqu'à 49, là, il sort ce qu'on appelle moussinna. Moussinna, là, c'est la vache qui a 2 années. Je me suis trompé par rapport aux années, excusez-moi. Donc à partir de 40 jusqu'à 49, il doit sortir comme zakat. Moussinna, c'est une vache qui a 2 années. Et sachez que je vais rajouter quelque chose. Madhab al-Ahnaf, an yajuz ikhraj al-musinna ou al-musin. Wa idha kanat kullaha dhukuran jaza min al-dhukur ittifaqan. Dans le Madhab al-Hanafi, il est autorisé ici aussi de sortir une musinna ou un musin. Donc c'est-à-dire, il est autorisé de sortir musinna ou musin. C'est-à-dire qu'il est autorisé de sortir soit une vache de 2 ans ou soit un taureau de 2 ans, d'accord, ça c'est dans le madhab al-Hanafi. Et ensuite, comme il est dit, tout ce que la personne possède sont des mâles, donc des taureaux, donc là il sort il sort pas de vache, mais il va sortir deux taureaux. Et là il y a une, il y a un ittifaq, donc ils sont tous d'accord, les quatre mazhab, comme quoi dans ce cas-là, il ne sort pas de vache, il n'a que des taureaux. Il va sortir donc deux taureaux de 2 ans chacun. Ensuite, l'imam Abu Shuja, rahimahullah, a dit « Wa ala hadha abadan farqis » Et sur ceci, à tout jamais, pour toujours, farqis fait ce qu'on appelle al-qiyas, donc fait l'analogie, donc fait un rapport par rapport à ce qu'on vient de dire. Alors, celui-là qui n'a pas... celui qui n'a pas entendu suivi le cours d'hier, il ne va pas comprendre la parole de Abu Shuja rahimahullah quand il a dit ça. D'accord ? Il ne va pas comprendre. Ça veut dire quoi ça ? Que quand il dit ala hada abadan faqis, donc et sur ceci, alors jusqu'à pour un nombre illimité, à tout jamais, faqis, donc fait le qiyas, donc fait l'analogie, de dire que prend ça en parallèle comme paramètre. Ça veut dire comme on a dit hier, c'est-à-dire qu'au-delà de 40 vaches, on va prendre, eh ben, comme c'est marqué ici, les 30 et les 40. C'est-à-dire que par chaque fraction de 30 vaches, on sort un tabir ou tabira. D'accord ? Pour chaque fraction de 30 vaches, on va sortir un tabir ou une tabira. Donc, soit une vache ou un taureau d'une année. Et pour chaque fraction de 40 vaches, on va sortir une moussina, une vache de 2 ans. Et dans le mazhab al-Hanafi, c'est autorisé un taureau de 2 ans. Donc pour ceux qui ont suivi le cours hier, normalement ils ont compris. Pour les autres, je vais réexpliquer, Inch'Allah, comment ça marche. Déjà d'une, le minimum qu'on peut avoir en faisant des fractions de 30 et de 40, c'est pas 40 parce que 40, on l'a dit, c'est une moussina. Est-ce que c'est 50? Non, parce que le minimum c'est 30, donc 30 et 30 c'est 60. Et 30 et 40 c'est 70, donc le minimum c'est à partir de 60. Ce qui veut dire que quelqu'un qui possède 40 vaches jusqu'à 59 vaches, et non pas 49 vaches, mais celui qui possède 40 vaches jusqu'à 59 vaches, il va sortir moussina. Donc une vache de 2 années. Et celui qui possède 60 vaches, et là, je vais enlever les interdictions d'écrire. La question est, une personne, ou plutôt, je vais répondre, je vais faire comme hier, je vais donner l'exemple pour faire comprendre ceux qui n'ont pas suivi hier, et ça fera aussi un rappel pour les autres. Une personne qui possède 60 vaches, combien doit sortir de zakat? En sachant que j'ai une fraction de 40, que je peux utiliser 40 et 30 pour arriver à 60. 40, c'est pas 60, donc il faut que je fasse plus. Si je fais 40 et 40, ça fait 80. Donc non, 80 c'est plus que 60. Si je fais 40 et 30, ça fait 4, 5, 6, 7. Oh, ça fait 70, ça fait plus que 60. Et si je fais 30 et 30, ah, ça fait 60. Donc là, j'ai trouvé. Donc c'est 2 fois 30. Donc, et à chaque fois que je mets 30 vaches, j'ai un tabir, donc une vache ou un taureau d'une année. Donc ce sont 2 vaches d'une année. Hein, ou 2 taureaux, ou une vache et un taureau d'une année. D'accord? Donc maintenant, je vous pose la question. Une personne qui a 70 vaches ou 70 taureaux hein, ou bœufs, qu'est-ce qui doit sortir comme zakat? Barakallahu fikum, j'attends vos réponses. Alors, il est dit un veau d'une année et un veau de 2 années. Abou Khalil a dit une vache de 1 année et une vache de 2 années. D'accord. Donc, on va voir. Une vache ou un veau d'une année, donc tabir, tabir ou tabira, c'est pour une fraction de 30. Donc, on met 30. Et vous avez dit après une vache de 2 années, donc c'est. La moussina, c'est comme pour une fraction de 40. Donc, on regarde. 30 et 40, ça fait bien 70. Exact, 70. Donc là, on a le chiffre 70. Donc, c'est bien ça. Il faut sortir un veau ou une vache d'une année et une vache de 2 années. Et dans Mazhab Hanafi, c'est autorisé de sortir une vache ou un veau de 2 années. D'accord ? Donc la réponse est bien celle-ci. Je vais encore poser une question. Bien sûr, ceux qui ont répondu juste ne vont pas répondre, mais vont laisser les autres afin qu'ils réfléchissent et voir que je vois s'ils ont bien, si assez de monde a bien compris, Inch'Allah. Une personne qui a 93 vaches, combien doit-il sortir pour sa zakat? 93 vaches. Une personne qui a 93 vaches, qu'est-ce qu'il doit sortir pour la zakat de ces 93 vaches? J'attends vos réponses. Barakallahu fikoum. 93, attention, hein. Ah, pas 92, hein, 93, ni 94. C'est 93. Oui, s'il vous plaît, Abou Hamad Abou Khalil. Barakallahu fikoum. Laissez répondre les autres. Sauf si je vois qu'à un moment donné, ils ne répondront pas. Bon, bah là, donc, à vous deux, je vous autoriserai de répondre. Ah, Anfal a dit 3 vaches de 1 an. Alors, on va vérifier. 3 vaches de 1 an. On a dit que. J'ai dit 90. Hein. Astaghfirullah, j'ai dit 93 vaches. Alors, vous avez dit 3 vaches de 1 an. En sachant qu'une vache de 1 an, c'est Tabira. Et que Tabira, c'est pour des fractions de 30. Donc, 3 fois 30, ça fait 90. Et j'ai dit 93. Eh bien, oui, c'est bien 90. Donc, vous avez compris. Parce que, comme j'avais déjà expliqué. Quand on dit 90, c'est-à-dire de 90 jusqu'à 99. Si on peut arriver à 100 avec 40 et 30. Et là, ça va être la question. Donc c'est bien ça, on prend 93, on prend celui qui est juste avant, donc c'est 90, la dizaine qui est juste avant. Et donc 3 fois 30, ça fait bien 92. Donc c'est ça, c'est 3 vaches ou 3 taureaux d'un an. Bah maintenant, une personne qui a 100, ça c'est un chiffre rond, hein, qui a 100 vaches, combien doit-il sortir? De Tabir ou de Moussina pour la zakat. Barakallahu fikoum. Donc, Oum Anfal, maintenant qu'elle avait très bien répondu, elle aussi, elle ne peut plus répondre. Les autres, Barakallahu fikoum, un musulman ou une musulmane possède 100 vaches, ou 100 taureaux, ou 50 vaches et taureaux, bref, 100 vaches, d'accord? 100 bovins. Si je ne me trompe pas en français, on dit bovins. Qu'est-ce qu'il doit sortir comme zakat? J'attends vos réponses. Une personne possède 100 vaches. Et vous avez des fractions de 40 et des fractions de 30. Pas autre. Je viens d'arriver, donc j'ai pas suivi. Mais 2 fois 30 et 1 fois 40. Alors, 2 fois 30, ça fait 60. Et 1 fois 40, ça fait 40 plus 60. Ça fait combien? 40 et 60. 60 et 40, ça fait combien? Ça fait 100. Exact. Donc, c'est 2, oui, d'accord. 2 fois 30, ça fait 60. Et 1 fois 40, ça fait 40. 40, 60 et 40, ça fait 100. Donc, c'est ça. Mais maintenant, je vais dire, vous avez dit 2 fois 30. C'est 2 fois quoi? 2 vaches de 10 ans et une vache de 8 ans. Vous comprenez? Ou alors, 2 vaches de 1 an ou 2 vaches de 2 ans. Il faut préciser. Ismama 59, faut juste préciser. Il faut juste préciser ça. Je ne sais. Ok, d'accord. D'accord. Donc, une autre personne, est-ce qu'il. Une autre personne peut préciser ces 2 vaches de quelle année et une vache de quelle année. Barakallahu fikoum. Abou Khalil, qui avait déjà répondu avant, mais bon, ça le démangeait, il a fallu qu'il réponde. Barakallahu fik. 2 vaches de une année. Exact. Lol. 2 vaches de une année et une vache de quoi? Ah, donc, une vache de quoi? Une vache de quelle année? Oumar Abdillah, 2 Tabira et une Moussina. On ne dit pas Moussana, on dit Moussina. D'accord? Mais c'est ça. Oumar Abdillah, en utilisant le terme technique en arabe, a bien répondu. C'est 2 Tabira et une Moussina. D'accord? C'est-à-dire, donc 2 vaches. Maintenant, je demande, c'est quoi Tabira? La définition, Oumar Abdillah, elle le sait, il n'y a pas de problème, mais pour les autres, c'est quoi la définition d'un Tabir et d'une Moussina? Alors, s'il demande le sujet, il vient juste d'arriver, il n'y a pas de problème. Alors là, on fait un cours de la zakat. Et quand on a des vaches, combien on doit sortir de zakat? C'est pas 2,5% comme pour l'or et l'argent. C'est autre chose, c'est un autre calcul. Voilà. Alors, et une vache de 2 ans. Exact. Donc, c'est bien ça. Et donc, vous avez compris. Que, comme a dit Omar Abdillah, c'est bien 2 tabir, donc c'est-à-dire 2 veaux d'un an ou 2 vaches d'une année, et une moussina, donc une vache de 2 années. Et chez les Ahnaf, dans le madhhab al-Hanafi, ils autorisent un taureau de 2 années. Barakallahu fikoum. Bon, bah, je vois que c'est compris pour le calcul des vaches. On a fait aussi, Inch'Allah, c'est compris pour le calcul des chameaux qu'on a fait hier, Inch'Allah. Et je remets juste ça en parallèle pour bien faire comprendre. Je fais une ouvre parenthèse par rapport à l'étude du fiqh, et notamment étudier le fiqh au moins une fois dans sa vie avec un prof. D'accord? Et non pas dès le début étudier qu'avec les livres, parce que quand on étudie dès le début une science avec les livres, on se trompe dans la compréhension du livre, et des fois, soit on comprend mal, ou soit on ne comprend pas du tout. Comprenez que si une personne lit par exemple ce petit livre de Murtasar Abu Shuja'a que je viens de faire, et qui lit ceci, ou comme on avait vu hier dans les chameaux. Quand il a dit, ensuite, dans chaque 40, il faut sortir bintulaboun, et dans chaque 50, une hekka. La personne, s'il n'a pas appris avant, avec un prof qui va juste lui expliquer, pourtant c'est ça, mais juste lui expliquer ça, il ne pourra pas comprendre, ou il va mal comprendre, il va comprendre autre chose, et il va dire n'importe quoi, et au raïs billah, ça veut dire n'importe quoi, il va croire donc n'importe quoi dans la religion, dans l'Allah azawajal. Donc c'est bien, il est demandé d'au moins une fois dans sa vie d'apprendre la science du fiqh, sous le fiqh, ces choses-là, avec un prof qui explique les termes techniques et les choses. Après, la personne, il peut commencer à se débrouiller, à comprendre le fiqh, à lire des fiqh dans le livre de fiqh ou dans une science où il a déjà eu un prof. Vous comprenez par rapport à ça. Parce que des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre seul ou très très difficilement. Voilà. Donc là, maintenant, et on a fini ça, il est 21h20, 20, on va 21. On va faire maintenant comment on sort la zakat pour al-ranam. Donc al-ranam, ça englobe al-dan, donc tout ce qui est mouton, ou al-marz, tout ce qui est chèvre, d'accord? Al-ranam, ça englobe les moutons et les chèvres. Donc je vais faire le cours, Inch'Allah. Je vais faire les données, je vais expliquer ce que dit Abu Shujar, et ensuite, Inch'Allah, je vous reposerai des questions. Alors, excusez-moi. Voilà, d'accord. Donc l'imam Abu Shujar, rahimahullah, a dit Faslun, un chapitre. Dans quoi? Finissa bi zakat al-ghanam. Dans la part de la zakat du al-ghanam. Alors, ghanam, il me semble qu'on dit en français, c'est l'ovin. D'accord? Exactement, c'est quoi? Al-ghanam, c'est tout ce qui est mouton et chèvre. Et comme on avait vu au début, le mot chat, hein, c'est-à-dire un chine, alif, un tamarbuta, chat, chatun. D'accord, non pas C-H-A-T en français, donc pas l'animal qui miaule, d'accord, mais le mot chat en arabe, c'est un du grand homme. C'est-à-dire, quand on dit un chat, ça veut soit dire un mouton, ça englobe le mouton et la chèvre, d'accord. Rappelez-vous de ça, c'est très important aussi, ces termes techniques qui sont importants à les apprendre, à bien les apprendre, et pas les apprendre de manière erronée, parce qu'après on comprend mal le fiqh, et justement on comprend mal donc la religion d'Allah Azzawajal, et après on peut dire des choses dans la religion d'Allah Azzawajal qui sont fausses parce qu'on a mal compris. C'est absolument nécessaire de comprendre tous ces termes qui sont donnés. Chat, c'est pas seulement un mouton, c'est un mouton ou une chèvre, ça englobe les deux. Contrairement au don, qui c'est seulement les moutons, el-mars, c'est seulement le mot pour les chèvres. Barakallahu fikoum. Donc l'imam Abu Shujar, rahimahullah, a dit wa awwalu nisab al-ghanam arba'un. Et la première part pour les ghanam, donc vous comprenez que je répète, mais pour bien que ce soit compris, el-ghanam, c'est-à-dire c'est tout ce qui est mouton et chèvre. C'est pas seulement les moutons. Mouton et chèvre, el-ghanam. Donc le minimum à partir de quand on sort une zakat quand on a des moutons ou des chèvres, ou les deux mélangés, hein, c'est quoi Arbaoun à partir de 40. Donc quelqu'un qui a 40 moutons ou 40 chèvres, hein, et ben, il va sortir une zakat. Il sort combien? Il sort quoi? Wafiha Sha. Et dedans, Sha. Il doit sortir Sha. J'ai déjà donné la définition avant. Sha, ça englobe le mouton et la chèvre. C'est un mouton d'une année précise ou une chèvre d'année précise quand un mot vient après pour définir l'âge. Et là il dit quoi? Fiha shatun jada'atun min ad-dan aw Thaniyatun min al-marz. Ça veut dire quoi? Donc, chat, il doit sortir soit un mouton ou une chèvre. Et il dit, après, il va définir exactement quelle sorte, quel âge. Il dit, jazaratun min ad-dhon. Donc, il doit sortir ce qu'on appelle jazaratun min ad-dhon parmi les moutons. D'accord? Ah, c'est quoi jazara? Jazara, c'est laha sitatu ashur. Parmi le, pour les moutons. Hein. Le mot jazara pour les moutons, c'est un mouton qui a 6 mois. D'accord? Donc, celui qui a 40 moutons, il doit sortir un mouton d'au minimum 6 mois. Pas en dessous de 6 mois, au minimum de 6 mois. Aou, Thaniyatu Minal Mars. Où il sort quoi? Thaniya Minal Mars. Thaniya, c'est aussi spécifique. Minal Mars, El Mars, c'est la chèvre. Ou El Thaniya Minal Mars. Thaniya, c'est la Hassana. C'est une chèvre qui a une année. Donc, par exemple, quelqu'un qui a 40 moutons, eh bien, il va sortir un mouton au minimum, un mouton qui a 6 mois, pas moins de 6 mois, pas 5 mois et 30 et 20 jours, non, qui a au minimum 6 mois. Il peut 7, 8 et 9 mois, hein, plus. Ça a même plus de valeur. S'il a, c'est 40, hein, à part de 40 moutons, hein. Là, je vais me répéter, mais bien sûr, normalement, vous avez compris. Donc, c'est une personne qui a 1, 2, 3, jusqu'à 39 moutons, il ne sort pas de zakat. Il n'a pas à sortir de zakat, d'accord? Si c'est 39 moutons ou 39 chèvres, ou 20 moutons et 19 chèvres. Parce qu'on les rassemble quand on compte la zakat, d'accord? Même s'ils sont mélangés, on les rassemble. Parce que les deux formes sont ce qu'on appelle el ranam, d'accord? Quelqu'un qui a 19 moutons, par exemple, et 20 chèvres, ça fait 39, il n'a pas de zakat à sortir, parce qu'il n'a pas atteint le 40. Et c'est pareil s'il a 39 moutons ou 39 chèvres, il n'a pas de zakat à sortir, parce qu'il n'a pas atteint 40, même si ces 39 moutons coûtent très cher. Et quelqu'un qui a 40 moutons ou 40 chèvres, ou par exemple, c'est un exemple, 20 moutons et 20 chèvres, ou 10 moutons et 30 chèvres réunis, c'est-à-dire qu'ils sont à lui, donc ça, c'est, il a 40 ronam, d'accord. Là, il doit sortir une zakat. Et il a le choix entre sortir un mouton de 6 mois minimum ou une chèvre d'une année minimum. D'accord? Bien sûr, s'il sort un bouc de... Donc le mâle du mouton, pas une brebis de 6 mois, mais il peut sortir une brebis de 6 mois ou le mâle, le bouc, qui est de 6 mois, qui va coûter encore plus cher. Donc c'est mieux. Et pour la chèvre, c'est pareil. Ensuite, l'imam Abu Shujar, rahimahullah, il dit « Wa fi mi'atin wa ihda reshin shatan » Et dans 121, donc dans 121 ronom, d'accord, il sort deux chats. Chatan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui possède 1 jusqu'à 39 moutons ou chèvres, il ne paye pas de zakat. C'est réglé. Quelqu'un qui possède 40 jusqu'à 120 moutons ou chèvres, vous mélangez, d'accord, 120 ronam, il sort quoi comme zakat? Seulement un chat. Et chat, c'est-à-dire, soit il sort un mouton de 6 mois ou une chèvre d'une année, d'accord? Même s'il a 120. Et à partir de 121, donc s'il a 121 moutons ou chèvres, d'accord, ranam, il doit sortir deux chats. C'est-à-dire qu'il doit sortir deux moutons de 6 mois minimum, ou deux chèvres de 2 ans, ou un mouton de 6 mois et une chèvre de 2 ans minimum. D'accord? C'est-à-dire qu'il doit sortir deux chats. Chatan. Ensuite, l'imam Abu Shujar, rahimahullah, a dit. Et dans 201 moutons, donc de 201 moutons ou 201 chèvres, d'accord, ranam, il doit sortir combien? Thalathu shia. Shia, c'est le pluriel de chat. Donc il doit sortir 3 moutons de 6 mois ou 3 chèvres d'une année. Ou un mouton de 6 mois et deux chèvres d'une année, ou deux moutons de 6 mois et une chèvre d'une année, d'accord? Donc 3 chats. Donc on voit que là, celui qui possède 121 jusqu'à 200 moutons, il doit sortir 2 chats. comme on a vu. Et celui-là qui possède 201 moutons, il doit sortir 3 chats. Jusqu'à combien? Donc l'imam Abu Shuja rahimahullah a dit « Wafi arba'i mi'atin arba'u shia ». Ensuite, elle dit ceci, et dans Arba Mi'atin, dans 400, donc 400 de moutons ou chèvres, donc 400 ranam, il doit sortir quoi? Arba Shia, 4 Shia. Alors, c'est-à-dire 4 moutons d'une de 6 mois, ou 4 chèvres d'une année, ou 2 moutons de 6 mois et 2 chèvres d'une année, etc. Je ne vais pas vous faire tout parce que là, ça va durer du temps et ça devient un peu lassant. Barakallahu fikoum. Voilà. Donc, quelqu'un qui possède 201 moutons ou chèvres, hein, jusqu'à 399 moutons ou chèvres, eh bien, il, comme on a dit, il doit sortir 3 chia, d'accord, 3. Et si il possède 400, à partir de 400, il en sort combien? Il en sort 4. Jusqu'à combien? Jusqu'à 499. Donc, s'il possède 400, jusqu'à 499, il sort 4 chia, donc 4 moutons de 6 mois, ou 4 chèvres d'une année, etc. Hein, vous avez compris le calcul. Ensuite, l'imam Abu Shuja a dit « Thumma fi kulli mi'atin sha ». Ensuite, dans chaque fraction de sang, il sort un chat. C'est-à-dire quoi? Au-delà de 400, c'est tous les centaines. C'est-à-dire que s'il a 500, eh bien, pour chaque fraction de 100, il sort un chat. Donc, 500, dans 500, il y a combien de fois 100? Eh bien, 5. 5 fois 100, 500. Donc, il doit sortir 500 chia. Et ça, c'est de 500 jusqu'à 599. Oui, c'est de 500 jusqu'à 599 moutons ou chèvres. Il va sortir 5. Et à partir de 600, eh bien, dans 600, il y a combien de fois 100? Eh bien, 6. 6 fois 100, ça fait 6. Donc, il doit sortir 6 chats. D'accord, ou chia, si on prend le pluriel, c'est-à-dire 6 moutons de 6 mois, ou 6 chèvres d'une année, ou 3 moutons de 6 mois et 3 chats avec 3 chèvres d'une année, etc. Là, je vais vous demander, bon, je pense que vous avez bien compris, donc le calcul là, il est plus simple avec les moutons. D'ailleurs, c'est toujours plus simple de garder aussi le mouton que les. Surtout que les chameaux et que les vaches. Et donc, aussi, on peut voir que le calcul des moutons est plus simple, alhamdulillah. Donc, je vais donner. Hop, quelque chose de, inchallah, de simple. Une personne qui possède, je vais dire, 888 moutons et chèvres. Donc, il possède 888 moutons et chèvres, d'accord? D'accord? Il possède 888 moutons et chèvres. Combien doit-il sortir? Donc, question, excusez-moi, la question de maintenant, c'est... Une personne possède 888 moutons et chèvres. 888 moutons et chèvres. Abu Mourad, je pense que c'est Abu Mourad hein, qu'il faut prononcer. Abu Mourad a dit, donc celui qui possède 888, il dit 8 chèvres de 6 mois ou 8 chèvres d'un an. Il y a une erreur. Une petite erreur. J'ai compris, ce qu'il a voulu dire, mais hop, c'est, voilà, 8 moutons, exact. C'est soit 8 chèvres de 6 mois ou 8 moutons d'une année ou 4 chèvres de 6 mois et 4 moutons d'une année, etc. Ça fait trop long. Voilà. Abou Khalid dit 8 moutons de 6 mois ou 8 chèvres d'une année. Exactement. Lion d'amour, bonsoir. Bonsoir. Donc la réponse est encore bonne de Abou Mourad et de Abou Khalil. Je passe un salam spécifique à Khalil et à son papa aussi. Et Ouman Fall avait bien dit aussi, ah oui, excusez-moi, j'ai pas vu. Oui, Ouman Fall a dit sort 8 moutons de 6 mois ou je suis chef de 1 an. Exact, oui, c'est ça, exact. Barakallahu fikoum. Oui, c'est ça que j'avais pas vu, parce que des fois les textes viennent vite et j'ai pas le temps de tout lire. Hein. Mourad, donc c'est bien ça. Abu Mourad. Donc c'est bien ça, parce que le 88, quand je dis 888, le 88, on n'en tient pas compte. Que ce soit 800, 801, 802, 803, 804, jusqu'à 899, il sort comme s'il n'avait que 800, d'accord? On compte 800, c'est-à-dire 8 chèvres de 6 mois, ou 8 moutons d'un an, ou il peut mélanger, il peut faire 4 moutons de 6 mois, ou 4 moutons et 4 chèvres d'une année, ou 3 de l'un et donc 7 de l'autre, 3 de l'un et pour arriver à 8, 4, 5, et 5, oui, 5, 3 de l'un et 5 de l'autre, etc. Il est 8, 9h35, donc ça fait, alhamdoulilah, on a fait la demi-heure du fiqh, on a fini, alhamdoulilah, les parts de la zakat pour les animaux, alhamdoulilah. Après, demain, inshallah, on étudiera autre chose dans la zakat, qui sera toujours en rapport avec les animaux, mais ça sera autre chose que les parts. S'il y a des questions sur le cours de maintenant, pas sur autre chose dans le fiqh, hein, baraklofi, comme je l'ai déjà dit, je vous écoute. Si vous avez des questions par rapport au cours qu'on vient de faire, donc par rapport au nombre de zakat qu'on doit sortir, par exemple, pour les vaches et pour Al-Ranam. Ranam, c'est mouton et chèvre. Je vous écoute, sinon on va aller directement, Inch'Allah, au cours du Tawahid. Abou Khalil me dit, est-ce que je peux répéter? Oui, je peux répéter pour les vaches. Et comme je peux, eh ben, je vais le faire, Inch'Allah. Voilà. Donc, pour les vaches, c'est le plus simple, en fin de compte, les vaches, parce que c'est seulement deux lignes. Donc, l'imam Abou Shuja a dit pour les vaches, « Wa aul nisabul bakar thalathun wa fiha tabir. » Donc, la part pour la vache, le minimum, faut comprendre, c'est 30. Donc à partir de 30 vaches, on sort. Et quand je dis vaches, ça englobe aussi les taureaux, hein, et les bœufs. 30 vaches, à partir de 30 vaches, on sort la zakat. Si quelqu'un qui a une vache ou deux, ou jusqu'à 29, il sort rien comme zakat. Mais à partir de 30 vaches, il sort une zakat, il sort ce qu'on appelle tabir. Et tabir, c'est un ibn Sanas, donc c'est un taureau, un veau qui a une année, et qui est rentré dans la deuxième année. C'est-à-dire qu'il a au moins un an, une année et un jour. D'accord ? Et comme l'a dit l'imam Ashokani, il peut aussi sortir une tabir, c'est-à-dire une vache, non pas seulement un veau, mais il sort un vache ou une veau, ou une veau, astaghfirullah. Il sort soit une vache ou un veau d'une année minimum. D'accord, s'il a 30, comment dire, s'il a 30 vaches. S'il a 40 vaches, il sort ce qu'on appelle moussinna. Moussinna, c'est une vache qui a 2 années. Donc au minimum 2 années et un jour. Au minimum. Et chez les Ahnaf, donc chez les savants du Mazhab al-Hanafi, ils disent aussi, on a le droit aussi de sortir le mâle, c'est-à-dire une vache ou un taureau de 2 années. Minimum. D'accord. Et ensuite elle dit, wa ala hadha abadan faqis. Wa ala hadha abadan faqis. Et qis, c'est un fil-am, c'est le verbe imperdu, de qas et yakis ou qiyasan. Il fait le fil-qiyas, c'est-à-dire que fil-analogie, donc fait le rapport par rapport à ça. C'est-à-dire que au-dessus de 40, on a 40 et 30 pour calculer les parts. Est-ce qu'on peut faire, bon, on va prendre 50, qui est juste après 40, comme dizaine. Est-ce qu'avec 40 et 30, on peut faire 50? Non, parce que 30 et 30, ça fait 60, donc le minimum qu'on fait, c'est 60. Ça veut dire que de 40, soit quelqu'un qui porte 40 vaches jusqu'à 59 vaches, il va donner moussinna, ou moussin, d'accord, une vache de 2 ans ou un taureau de 2 ans, si il prend Hanafi pour le taureau. Et ça jusqu'à 70, jusqu'à 60, parce que avec les fractions de 30, on peut aller à 60, d'accord, avec les... avec, comment dirais-je, on a le minimum, c'est la fraction c'est 30, donc 2 fois 30 c'est 60, donc c'est minimum. D'accord. Et 70 c'est 40 et 30, et 80 c'est 2 fois 40, etc. J'espère que j'ai bien répété, comme me l'a demandé mon frère Abou Khalil, barakallahu fik, wa fik, barakallahu. Voilà. Y a-t-il une autre question? S'il n'y a pas, eh bien, nous allons aller directement au cours du Tawahid. On s'est arrêté. Et Luqman. 25 de Surat Luqman. D'accord. Alhamdulillah. Donc on est dans le. Maintenant, Inch'Allah, nous prenons le cours du Tawahid. Alhamdulillah. Et nous étions toujours dans le deuxième épître du cher Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah que nous étudions, qui s'intitule Shurut ou La ilaha illallah, les conditions du La ilaha illallah. Quand on dit Shurut, il veut dire ici Shurut sihati La ilaha illallah, les conditions de la validité du La ilaha illallah. Donc il y a des conditions qu'il faut avoir pour que quand on dit La ilaha illallah, il soit profitable, d'accord? Il soit bon, c'est-à-dire dans le sens qu'il soit valide, donc que l'islam soit valide. S'il n'y a pas toutes ces conditions, le la ilaha illallah de la personne n'est pas valide, donc il n'est pas, c'est en fin de compte un mécréant. Et s'il ne cache une de ces conditions qu'on n'est pas au courant, donc nous on lui donne l'islam apparent, mais en fin de compte à l'intérieur de lui c'est un mécréant, c'est ce qu'on appelle un munafiq, nifaq akbar, c'est un munafiq du grand nifaq, parce que le nifaq, comme on va le voir, le grand nifaq, c'est le petit, le grand, comme il y a le grand et le petit kufr, le petit shirk, le grand nifaq, ou mahoua, c'est le fait de cacher la mécréance en faisant apparaître l'islam. D'accord ? Ça, on va l'étudier, Inch'Allah. Bien que je viens de vous donner la définition maintenant. Mais je pense que beaucoup d'entre vous doivent savoir ça. Alors, les conditions, et nous étions toujours dans la première condition qui est l'ilm, la connaissance. C'est-à-dire quoi, la connaissance du sens de la ilaha illallah. Et comme on a vu, le sens de la ilaha illallah, c'est la ma'bouda bihaqqa illallah. Il n'y a rien qui reçoit l'adoration par droit, sauf Allah Azza wa Jal. Et la preuve que la ilaha illallah veut dire ceci, et non pas qu'il n'y a pas de créateur sauf Allah, tout en sachant que cette parole est tout à fait vraie, il n'y a pas de créateur sauf Allah. C'est Allah qui a créé seul, sans associer les cieux, la terre, mais les sept terres, le trône, bref, du plus petit atome, et ce qui est encore plus petit que l'atome, jusqu'à la plus grande création qu'on peut voir ou qu'on ne peut pas voir, comme le trône. D'accord ? C'est lui qui a tout créé et c'est le seul. Il n'y a personne, il n'y a rien d'autre qui a créé avec Allah. Mais le la ilaha illallah ne veut pas dire ça. Le véritable sens, c'est la ma'bud bihaq illallah. Et nous allons lire un verset qui va prouver ceci. Allah Azza wa Jal, c'est dans la sourate Luqman au verset 25. Allah Azza wa Jal a dit ceci. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah qul hamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun. Donc voilà, je vous traduis. Wala in sa'altahum, mais certes, si tu les questionnes, man khalaqa as-samawati wal ard, qui a créé les cieux et la terre? Alors, qu'est-ce qui se passera? La yakulunna Allah. Alors, ils diront Allah. Et Dieu avec un D majuscule. D'accord? Et donc, là, Allah Azzawajal interpelle son prophète Mohammed. Il dit, si tu les questionnes, notamment qui, les mécréants de ta tribu de la Mecque, si tu les questionnes, qui c'est qui a créé les cieux et la terre? Ils répondront quoi? Latal Uzza, donc Latal Uzza, ce sont deux statues qu'ils adoraient. Ils adoraient plein de statues, 360, plus de 360 statues, et ils adoraient ces statues-là. Et d'autres choses encore. Et donc, si on leur demandait à ces gens-là qui adoraient autre qu'Allah, donc ils donnaient de l'adoration à autre, ils adoraient Allah, mais ils adoraient aussi des statues et autre chose. Et quand on leur posait la question, qui a créé les cieux et la terre? Eh bien, ils répondaient, Allah, c'est Allah. C'est pas les statues, ce qu'on adore, quoi. D'accord? Or, ces gens-là, dont le prophète Mohammed sur la scène les a appelés à l'islam, ils refusaient de dire la ilaha illallah. D'accord? Le prophète sur la scène ne leur demandait qu'une chose. Dites la ilaha illallah. Et ils refusaient. Ils disaient non, non, non, non. Ta parole, la ilaha illallah, c'est faux. Il y a plusieurs ilahs, il y a plusieurs divinités. Nous, on reconnaît comme Lat et l'Uzza comme une divinité avec Allah, etc. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que la ilaha illallah, ça veut bien dire il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah, et divinité, c'est-à-dire qui reçoit l'adoration sauf Allah. Et donc, que ceux qui disent que le la ilaha illallah veut dire pas de créateur sauf Allah, c'est faux. Parce que sinon, si ça veut dire la ilaha illallah, il n'y a pas de créateur sauf Allah, les mouchtikoun, les associateurs qui étaient à la Mecque, ils ont accepté de dire la ilaha illallah, parce que ça veut dire il n'y a pas de créateur sauf Allah. Et car ils les attestaient, comme Allah le dit. Ils attestaient qu'il n'y avait pas de créateur sauf Allah. Donc ça prouve bien que le la ilaha illallah, ça ne veut pas dire la khaliq illallah. Bien que cette parole-là est tout à fait vraie. La khaliq illallah, mais ce n'est pas le sens du la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est il n'y a pas de divinité, c'est-à-dire il n'y a pas de ma'bud bihaq, il n'y a pas d'adorer par droit sauf Allah azza wa jalla. C'est le seul à avoir droit à être adoré. D'accord? Adoration dans le sens. On va, par exemple, se prosterner pour pour lui jeûner, pour lui faire une adoration, d'accord? Et les adorations, ils sont de plusieurs sortes, comme on va le voir, Inch'Allah. Ensuite, je vais juste vous définir en arabe, donner la définition du mot al-ilah, ilah, al-ilah, la divinité. Bon, le mot al-ilah, l'oratan, linguistiquement, ça veut dire quoi? Al-marboud bi-haqqin ou bi-batil. C'est la chose qui reçoit l'adoration, al-marboud, donc l'adorer, celui qui reçoit une adoration, bi-haqq, par droit, ou bi-batil, ou bi-batil, d'une manière injuste. Nul, c'est nul, donc c'est pas par droit qu'il reçoit cette adoration. Thumma ghalaba ala man bihaq. Ensuite, ça a été. Les Arabes utilisaient le mot ilah essentiellement pour ce quoi ils estimaient que l'adoration était par droit. On va lire un verset. Innakum wa ma ta'budun min dunillah hasabu jahannam. Vous, est-ce que vous adorez en dehors d'Allah, hasabu jahannam sera donc le combustible de l'enfer. Antum laha waridun, et vous êtes à y passer, à y rentrer, c'est-à-dire en enfer. Et si cela, donc si vos statues et autres, cela, et donc cela était des divinités, et donc c'est-à-dire par droit, donc là le mot aliha c'est le père de ilah, donc ça le sens voulu de ilah, donc de aliha c'est par droit. Donc ils ne sont si ces choses-là que vous adorez, ça c'était des aliha, donc des divinités par droit. Ma waraduha, ils ne seront pas passés en enfer, d'accord? Wa kullun fiha khalidun, et chacun dedans, non, c'est-à-dire en enfer, khalidun, seront éternels, seront en enfer éternellement. Ce verset, ou ces deux versets, c'est les deux versets 98 et 99 de la surat Al-Anbiya, la surat des prophètes. Et là, je vais citer un autre verset. Qul ya al-kitab. D'accord, et qu'on a déjà vu juste avant, mais qui est très important pour comprendre la ilaha illallah, comme je l'avais dit. Qul ya ahl al-kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. An la na'buda illallah, wa la nushrika bihi shay'a, wa la yattakhida ba'duna ba'duna arbaba min dunillah, fa in tawallaw fakulu shahadu bi anna muslimun. Oh, vous les gens de la Bible, les gens du livre, les gens de la Bible, c'est-à-dire juifs et chrétiens, venez à une parole commune. Entre nous et entre vous. Allah n'arbouda illallah. Est-ce que nous adorons pas sauf Allah? Est-ce que nous, c'est-à-dire que nous adorons Allah Azzawajal seul? Et donc là, la chose demandée, c'est bien l'adoration et non pas de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul créateur. C'est évident qu'il n'y a qu'un seul créateur, et de même, il découle de ceci que c'est évident qu'il n'y a qu'un seul à être adoré par droit, car c'est lui qui a tout créé et non pas les autres. Et tous les autres sont des choses créées. Est-ce que nous lui associons rien? Et est-ce que personne d'entre nous prenne d'autres d'entre nous arbaban minunla comme seigneur en dehors d'Allah? J'ai expliqué hier le sens voulu de arbaban minunla ici, le seigneur en dehors d'Allah par rapport au doigt. Ça prend un peu de temps, je ne vais pas le refaire ici, mais on va y revenir en détail, inshallah, dans notamment Nawaqid de l'islam, dans les annulations de l'islam. Et s'il se détourne, donc s'il refuse de venir à cette parole commune qui est en fin de compte la ilaha illallah, donc de reconnaître qu'il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah, alors dites ishhadu, témoignez bi anna muslimun, que certes nous sommes muslimun, soumis, d'accord, muslimun, musulman, qui veut dire soumis à qui? Pas nos passions, mais à Allah, pas aux divinités autres qu'Allah azza wa jal. Petite chose, Isa, Jésus, alayhi salam, comme d'autres prophètes et des anges, sont adorés en dehors d'Allah. Eux sont innocents et eux n'iront pas en enfer. Et même, ils ont défendu aux gens de l'adorer autre qu'Allah. Donc, ils ne sont pas, ils sont tout à fait innocents de ce que font les chrétiens et autres gens de la mécréance, d'autres religions de la mécréance, en adorant des choses, des Arabes par exemple, ou des anges ou des prophètes, qui sont tout à fait innocents, ils n'ont jamais demandé à être adorés, et qu'ils ont été adorés, par exemple, après leur mort. D'accord ? Par exemple, quelqu'un qui va se prosterner devant un arbre, il va dire cet arbre a des pouvoirs, ceci, cela, il va adorer cet arbre, l'arbre n'ira pas en enfer, il est tout à fait innocent, il n'a rien demandé. D'accord ? Mais les gens qui demandent à ce qu'on les adore et autres, comme le Shaitan, comme le Satan, lui ira en enfer. Ensuite, la preuve comme quoi, barakallahu fikoum, les mouchikoun, les associateurs autant du prophète, refusaient de dire la ilaha, c'est dans ce verset, donc il est dans surat As-Saffat 35, donc les rangs, au verset 35, ou les rangées. Allah Azzawajal dit ceci. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Certes, eux, donc les mécréants et associateurs qui étaient la tribu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient à faire quoi? Si on leur disait, idha qila lahum, si on leur disait la ilaha illallah, donc pas de divinité par droit, yastakbirun, ils s'enorgueillisaient, ça veut dire qu'ils refusaient de dire et de reconnaître cette parole. Ensuite, je vais citer une parole d'un savant qui est assez connu, c'est l'imam An-Nawawi, Rahmahullah An-Nawawi, qui a écrit notamment Riyad al-Salihin, donc les jardins des saints, des saints, des vertueux, comme vous dites pour la traduction, et les 40 hadiths de An-Nawawi, qui sont au nom de Carnot, donc c'est la quarantaine de hadiths de An-Nawawi, ainsi que d'autres livres, notamment le char, l'explication du Sahih de Muslim. Et notamment dans le hadith numéro 9 du Sahih de Muslim, l'imam An-Nawawi, rahimahullah, a dit ceci. Amma al-ibada, donc quant à l'adoration, amma al-ibada tu fahiya ta'atu ma'a khudur. Quant à l'adoration, donc il va donner là ici la définition de l'adoration. C'est quoi l'ibada, l'adoration? Fahiya ta'a, c'est l'obéissance. Qu'on déplaise aux soufis, et généralement les soufis aiment bien aussi l'imam An-Nawawi, rahimahullah. C'est l'obéissance, ma'a khudur, avec la dévotion et l'humilité, d'accord? La dévotion, c'est-à-dire que c'est en obéissant, mais pas en étant en obéissant, puis mais en s'enorgueillisant, non, avec l'humilité, c'est ça l'adoration. Maintenant, quelqu'un qui a la connaissance du la ilaha illallah, c'est-à-dire qu'il sait qu'il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah, il a cette condition, mais il n'a pas les autres conditions qui sont citées, qui vont être citées après, ou certaines de ces conditions. Est-ce que cette seule condition de la connaissance du la ilaha illallah suffit pour qu'il n'aille pas en enfer? Allah Azza wa Jal dit ceci. Qala rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'athoun. Et il a dit, c'est-à-dire le shaitan, Satan, Iblis, dit ça. A dit cela. Rab, ô mon maître. Le shaitan a dit, Rab, ô rabbi. « Oh mon maître !» Donc il reconnaissait que Allah était son maître. D'accord ? Donc il avait la connaissance. Il avait l'ilm. « Fa'anvirni ila yawmi fa'anvirni » Ce n'est pas « fa'anvirni » Ce n'est pas « regarde-moi » Mais « fa'anvirni » c'est-à-dire « et « retarde-moi » C'est-à-dire « ne me fais pas mourir maintenant, mais retarde ma mort. » Donc le shaitan vivra et très très vieux. Il a yomi yubarathun jusqu'au jour où on les ressuscitera. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le shaitan, il sait, il a la connaissance d'Allah Azzawajal et que la ilaha illallah, il n'a pas de divinité par droit sauf Allah. Et donc, cette connaissance ne lui profitera pas parce qu'il y a, d'autres conditions à avoir et que lui ne respecte pas. Ensuite, Allah Azzawajal a dit aussi. Ça, c'est le verset que je viens de citer dans la surat al-Hijr, verset 36. Maintenant, on va citer un deux versets, le verset 16 et 17, dans la surat al-Hashr. C'est ce verset-là, enfin, ces deux versets-là. « Kamathali shaitan idh qala lil insan ukfur » C'est comme le shaitan, le satan, le grand satan, Iblis. Lorsqu'il dit alors à l'être humain « ukfur »« mécrois »« deviens mécréant » D'accord ? Et lorsqu'il devient mécréant, donc là, dans ce que l'être humain, il suit le shaitan, il obéit, et devient mécréant, donc le shaitan, il dit quoi? Inni bari ou minka, moi je suis innocent de toi. Subhanallah, regardez, il appelle au kouf, et après, une fois que la personne devient kafir, mécréante, le shaitan se dit, non, moi je suis innocent de toi. Inni akhafullah rabbal alamin. Certes, moi, j'ai peur d'Allah, le maître des mondes. Le shaitan, Iblis, il a peur d'Allah. Est-ce que cette peur d'Allah le sauvera de l'enfer? Eh non, parce qu'il manque d'autres conditions. Et il reconnaît comme quoi Allah est Rabbul Alamin, est le maître des mondes. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا. Et ce qui en découlera, donc le châtiment pour ces deux-là, c'est-à-dire du shaitan qui a appelé l'être humain à devenir mécréant, et le mécréant qui a répondu au shaitan et qui est devenu mécréant, les deux, malgré que le shaitan lui dira non, moi je suis innocent après, mais ça ne servira pas. Les deux sont où ? Finnar, et sont au feu, en enfer. Khalidain fiha, et les deux sont éternellement dedans. Wadhalika jaza'u dhalimin, et ceci est la récompense des injustes. Et ici je vais vous citer un verset qui est très important et très intéressant à comprendre, inshallah, qui est dans Surat Ibrahim, Abraham, qui va nous expliquer un peu le comportement du shaitan exactement, et ce que nous on doit comprendre et comment on doit agir et se comporter envers lui et envers nous-mêmes. Allah Azzawajal a dit ceci. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُدِيَ الْأَمْرُ. Et le shaitan, donc Satan, Iblis, dira, parce que là c'est passé, un verbe au passé, mais c'est par rapport à ce qui va se passer dans le jour de la récession. Il dira cela, Iblis, le Satan. Quand est-ce qu'il dira ça? لَمَّا قُدِيَ الْأَمْرُ. Lorsqu'on aura fait le jugement de l'affaire, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Il va dire ceci. Donc là, le shaitan, Satan, il va s'adresser aux êtres humains. Et il va dire ceci. Inna Allah qad. Excusez-moi, astaghfirullah. Inna Allah wa'adakum wa'ad al-haqq. Certes, Allah, donc Dieu avec un D majuscule, certes, Allah vous a promis de la promesse de vérité. C'est-à-dire que la promesse d'Allah, elle est vraie. Et ensuite, il dit le shaitan. Wa'adtukum fa'akhraftukum. Et moi, je vous ai promis et je n'ai pas tenu à ma promesse. Et ensuite, il dira ceci encore le shaitan. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ. Et je n'avais pas sur vous d'autorité. D'accord ? Il n'avait pas de pouvoir. Je n'ai pas sur vous de pouvoir. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que le shaitan n'a pas de pouvoir à nous rendre mécréants lui-même. C'est nous qui répondons ou pas, comme ça va venir. Illa anda'autukum fastajabtum li. Sauf que je vous ai appelé, je vous ai fait la darwa, da'autukum du verbe da'ayadou, darwa. Je vous ai appelé, j'ai fait la darwa. Donc shaitan, il fait sa darwa, il fait son prêche vers la mécréance. Et les êtres humains, qu'est-ce qu'ils font? Fastajabtum li. Et vous m'avez répondu. Le shaitan, il ne fait que appeler l'être humain à venir à la mécréance, et c'est l'être humain qui répond. Ce qui veut dire que ceux qui disent, quand ils font un péché, « Oh, ce n'est pas moi, c'est le shaitan », c'est un menteur. C'est toi qui as fait le péché. Le shaitan, lui, a fait son travail de mécréant et de shaitan, de iblis, il t'a appelé. Qui c'est qui lui a répondu? C'est toi. C'est toi qui es en enfer avec lui. C'est toi qui l'as répondu pour le péché de la mécréance ou ce qui est en dessous de la mécréance qui fait pas sortir de l'islam, comme par exemple boire de l'alcool ou je ne sais quoi, faire zina, pratiquer le riba, l'usure, etc. Lui, le shaitan, il appelle. L'être humain, il répond. Et le shaitan, il va continuer à dire des choses, comme Allah Rajal nous l'informe ici. Il dira quoi après ceci? Après avoir dit aux êtres humains, وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Et je n'avais pas d'autorité sur vous, et je n'avais pas de pouvoir sur vous, sauf que je vous ai appelé, et vous m'avez répondu. Et ensuite il dira, فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ. Alors, ne me blâmez pas, mais blâmez-vous-même. Quand on fait un péché, on n'a pas à dire, oh c'est le shaitan. C'est faux, c'est nous qui faisons le péché. C'est nous qu'on doit blâmer nous-mêmes. Le shaitan, il a fait sa part. C'est nous qui répondons à l'appel du shaitan, wal'iyadhu billah, et la protection est auprès d'Allah de répondre au shaitan, que ce soit dans la mécréance ou dans ce qui est en dessous de la mécréance, les grands ou petits péchés. Ensuite, le shaitan dira ceci, ma ana bi musfirikum, je ne suis pas à vous secourir. Le jour de la résurrection, il ne pourra pas nous secourir. Wa ma antum bi muslihi, et vous, vous n'êtes pas aussi à me secourir. Inni kafartu bima ashaktumuni min qabl, certes moi, je renie de ce quoi vous m'avez associé avant. Donc là, le shaitan, le jour de la résurrection, il va encore une fois s'innocenter de ce que nous, on l'a associé. Donc de ce quoi il a, nous a appelé. Mais ça ne nous servira à rien. Inna dhalimin lahum adhabun alim, et certes les injustes ont un châtiment douloureux. À eux, un châtiment douloureux. Donc mes frères, mes sœurs, si parmi nous il y en a qui disent quand ils font un péché, petit ou grand, et qu'ils veulent pas trop reconnaître, et qui disent « Oh, c'est pas moi, c'est le shaitan, non, c'est le shaitan », cette parole est tout à fait fausse, elle est batil. C'est toi qui as répondu au shaitan, c'est ton péché à toi. Le shaitan, il a son péché, tu as ton péché, c'est lui, c'est toi qui lui as répondu, c'est toi qui lui as obéi. Allah Azawajal, il t'appelle à faire le bien et à t'éloigner du mal. Le shaitan, il t'appelle à faire le mal et à t'éloigner du bien. Soit tu réponds favorablement et tu obéis à Allah, ou soit tu réponds favorablement et tu obéis au shaitan. D'accord ? Barakallahu fikum. Et nous demandons à Allah Azawajal de nous guider, comme c'est dans la sourate Al-Fatiha. Ihdina sirat al-mustaqim. Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le chemin droit. Donc ici, Inch'Allah, j'ai fini la première condition qui est al-ilm, mimarnaha, donc la connaissance du sens du la ilaha illallah, c'est la première condition, c'est celui qui ne connaît pas ce que ça veut dire la ilaha illallah. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va adorer autre qu'Allah parce qu'il ne connaît pas. Et bien sa parole la ilaha illallah n'est pas profitable pour lui. Il est 22h02. Je regarde si en quelques minutes je peux faire la deuxième condition. Inch'Allah, oui, je vais faire la troisième, la deuxième condition. Et d'ailleurs, ça c'est bien par rapport à l'ilm, parce que certains n'arrivent pas à faire la différence entre al-yaqin ou al-ilm, entre la certitude et la science. Donc l'imam et le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a dit al-thani, donc la deuxième condition. Athani, c'est masculin parce que le mot shart en arabe c'est masculin, alors que le mot condition, on dit une condition, c'est une féminin en français. Hein. Ça pour ceux qui comprennent l'arabe, comment Erwan dit que c'est la deuxième alors qu'il y a marqué Athani le deuxième. Parce que shart en arabe c'est masculin et condition en français c'est une féminin. Exemple, un petit profit dans la linguistique. On dit le soleil, on dit la lune. En arabe, c'est le contraire. On dit le lune et la soleil. Shams, c'est féminin, et le qamar, c'est masculin. Il faut le savoir. Donc, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimallah, a dit, Athani, donc la deuxième condition, al-yaqin, la certitude. D'accord ? Donc, la certitude, ce n'est pas al-yaqin, ce n'est pas la certitude, ce n'est pas la science. C'est autre chose. Bien que c'est une perfection, c'est autre chose qu'on va voir et on va le comprendre par son contraire. Parce que quand il y a trois manières de définir, de donner une explication, la définition d'un mot, c'est par une phrase, soit par son contraire ou soit par un exemple. Mais là, on va bien le comprendre, l'yakin, par son contraire, comme ça va venir. Donc il a dit, al-yakin huwa kamal ul-ilm. Al-yakin, la certitude, c'est la perfection de la science. Mais le plus important, ce qui vient après, c'est par son contraire. Al-munafi li shak wa raib, ce qui annihile, donc ce qui est le contraire de quoi? Al-shak wa raib, du doute, d'accord, et de l'incertitude, donc du doute. D'accord. Et comme on a vu, le contraire de l'ilm, c'est quoi? C'est quoi le contraire de l'ilm, de la connaissance? Je vous le demande. Hop, je vais vous enlever, tiens, petite question, je vais vous enlever les interdictions. Quel est le Omar Abdillah dit Al-Jahl, Abu Khalil a dit l'ignorance. Exact, vous avez tous les deux raison. Ah, seulement un l'a dit en arabe et l'autre l'a dit en français. C'est exactement ça. Abu Mourad aussi. Al-Jahil, c'est l'ignorant. Donc il faut dire exactement l'ignorance. Mais c'est aussi une bonne réponse en Mourad. Hein. Ainsi que Omar Abdillah Hakim, c'est l'ignorance. Exact. Le contraire de Al-Rim, c'est l'ignorance. La colonne de la connaissance, c'est l'ignorance. Soit on est savant d'une chose, ou soit on est ignorant de la chose. D'accord. Soit on est alim bi hadishay, ou jahil bi hadishay. Soit on est d'accord, connaissant ou savant, on peut dire savant de cette chose ou ignorant de cette chose, donc la connaissance et comment dirais-je l'ignorance. Ah, désolé pour Ismama qui n'a pas entendu la question, désolé. Maintenant, donc on va voir pour Al-Yaqin, qu'on va traduire par la certitude. Al-Yaqin, la certitude. Le contraire de la certitude, comme on vient de le voir ici, c'est quoi? C'est pas l'ignorance. Le contraire de la certitude, c'est le doute. Soit on est sûr d'une chose, ou soit c'est quoi le contraire? On doute. Donc en fin de compte, ce n'est pas la connaissance. Donc là on comprend bien la différence entre Al-Ilm et Al-Yaqin. Barakallahu fikoum. Hop, je vous remets en interdiction. Comment on fait déjà? Hop, faut retirer tous les micros et voilà. Vous ne pouvez plus écrire, désolé. C'est pas pour vous tous, hein, parce qu'il peut y avoir certaines personnes qui, comme vous le savez, peuvent. Quand je fais ça dans l'élection, c'est juste pour certaines personnes qui peuvent écrire n'importe quoi et porter atteinte au cours, d'accord? Donc je sais très bien qu'il y en a qui sont parmi vous qui sont. Apparemment, c'est même la majorité, alhamdoulilah, qui savent se comporter barakallahu fikum, jazakallahu khair. Donc al-yaqin, donc en annotation j'ai noté ceci qui est la preuve de al-yaqin. Il faut avoir al-yaqin, la certitude, pour que le la ilaha illallah soit profitable. C'est à dire que, par exemple, une personne, il sait ce que ça veut dire la ilaha, il sait que ça veut dire la ma'boud bihaq illallah. C'est à dire qu'une personne peut savoir que qu'il n'y a pas de divinité, que la ilaha illallah, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est la ilaha illallah. D'accord? Il le sait. C'est-à-dire que ça veut pas, ça veut ce qu'il veut dire. Il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah. Ça, mais seulement, il ne va pas avoir le yakin, il va avoir le doute. Il va dire, mais en fait, est-ce que c'est vrai? Il sait ce que ça veut dire la ilaha illallah. Mais s'il doute, il dit, oh, ça se trouve, il y a autre chose dans l'univers, sur Terre, parmi les prophètes ou autres, qui a le droit d'être adoré, qui a le droit d'être une divinité. Et bien, s'il doute, cette personne n'est pas ou n'est plus musulmane, c'est un kafir billah, waliyadu billah. Donc, pour que la ilaha illallah soit valide, il faut avoir al-yaqin, la certitude qu'il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah azawajal. D'accord? Comme je vous ai dit, il faut que ces sept conditions qu'on va étudier soient mises en place. S'il manque une seule condition dans les sept conditions, une seule, donc c'est encore plus, s'il en manque 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, hein, s'il en manque une seule, la personne qui dit la ilaha illallah, son la ilaha illallah ne lui profitera pas, il sera donc en enfer éternel. Même s'il nous cache, ou même lui, en fait, qu'on s'en aperçoit pas, donc ça, non, on lui donne l'islam parce qu'on juge par rapport à l'apparence, mais sa parole ne lui profitera pas le Yawm al-Qiyama, le jour de la résurrection. Donc le dalil, un dalil de la sunna et un dalil de du Coran, donc un hadith et un verset, comme quoi la condition est al-yaqin, la certitude, et c'est une condition de la validité de la ilaha illallah. Sachez que, entre parenthèses, le cheikh Mohammed bin Wahhab, rahimallah, a écrit une petite rassala juste après les conditions de la ilaha illallah. Il a dit wa adillatuha, et l'épreuve. Donc il a aussi marqué, donc moi c'est un résumé que j'ai fait pour pas prendre trop de temps, il a noté beaucoup de preuves pour toutes ces conditions. D'accord? Moi c'est un résumé de sa deuxième rassala, ou de la deuxième partie de la rassala, qu'il a fait. Barakallahu fikoum, sachez-le. Donc ça ne vient pas de moi, tout le fait de prendre ces arguments, ces preuves, pour dire que cette telle condition, elle a ça comme preuve, etc. En fin de compte, du cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah. Donc, un hadith pour prouver comme quoi al-yaqin, la certitude, est une condition de la validité de la parole la ilaha illallah. Qala rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ashadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit ceci: Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Je témoigne, j'atteste qu'il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah, wa anni, et que certes moi je suis le messager d'Allah. D'accord? Parce qu'il parle de lui-même. Et il dit ceci après: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. Il n'y a pas. Ne rencontre Allah avec ces deux-là, c'est-à-dire avec ces deux paroles, ces deux attestations, qui est l'attestation de La ilaha illallah, et deuxième partie, c'est que le Muhammad est le messager d'Allah, donc celui qui vient avec ces deux paroles-là, et qui rencontre Allah, donc Abdoun, un esclave, donc un être humain, un esclave, parce que comme on l'avait dit, c'est quoi le mot esclave? C'est un être humain qui appartient à un autre. Et nous appartenons à qui? Nous appartenons à celui qui nous a créés, nous appartenons à Allah, nous sommes ses esclaves, nous lui appartenons. Donc il n'y a pas un esclave qui rencontre Allah, rencontrera Allah Azzawajal, avec ces deux-là, donc avec ces deux attestations, Ghayru shakin, sans douter, fihima, dans ces deux-là, donc sans qu'il y ait de doute dans ces deux attestations, c'est-à-dire qu'il faut qu'il le dise, mais qu'il atteste, mais qu'il n'ait aucun doute. Et donc, comme on l'a vu, le contraire de l'yakin, de la certitude, c'est le doute. Donc, il ne faut pas qu'il ait de doute. Donc, c'est pas qu'il ait de doute, il faut qu'il ait l'yakin, la certitude. Il l'a dakhal al-janna sans qu'il rentre au paradis. Voilà le hadith qui prouve comme quoi il ne faut pas avoir de doute, donc il faut l'yakin, la certitude, pour que cette parole profite. Ce hadith est rapporté par Muslim, c'est le numéro 27 dans le Sahih de l'imam Muslim rahimahullah. Allah Azza wa Jalla a dit dans la sourate Al-Ma'idah au verset 50, Al-Ma'idah veut dire la table servie. Alors pourquoi on dit la table servie? Parce que le mot Al-Ma'idah, c'est un seul mot. Al-Ma'idah, ça ne veut pas dire la table. C'est quand il y a sur la table, il y a un repas qui est servi. C'est exactement ça le mot sens de Al-Ma'idah. C'est pour ça que souvent dans la traduction, on voit marquer la table servie. Parce que le Ma'ida, c'est pas seulement une table où il n'y a rien dessus, mais il faut qu'il y ait, ou plus ou moins qu'une table, même si c'est quelque chose qui est par terre, mais il faut qu'il y ait une nourriture dessus. Ça s'appelle une Ma'ida. Le verset 50. Allah Azza wa Jalla a dit ceci: Afa hukm al jahiliyati yabghun wa man ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinun. Je vous traduis: est-ce que c'est la loi de la jahiliya, donc de ce qui est anti-islamique, ce qui était avant l'islam, donc ce qui est contraire à l'islam. Est-ce que c'est la loi de ce qui vient pas de l'islam, Yabroun, qui veulent, qui désirent, d'accord, en parlant des koufars, ce qui implique celui-là qui veut autre que la loi d'Allah Azzawajal, donc qui veut que la loi de la jahiliya, donc une loi qui contredit la loi d'Allah Azzawajal, eh bien, il fait partie des koufars, celui qui veut ceci. Et ensuite, Allah Azzawajal dit, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِكَوْمِ يُوْكِنُونَ. Et qui est mieux qu'Allah Azzawajal Hukman en tant que jugement, en tant que loi, en tant que fait de mettre une loi, n'est comme une yokinun pour un peuple yokinun avec qui a al-yakin, parce que yokinun c'est le pluriel de yokin. Yokin, c'est le film modari du verbe au passé qui est ayakana, donc de al-yakin, donc c'est pour un peuple qui ont la certitude. Je vais finir par une parole, inshallah, que certains savants ont dit, que certains ulama ont dit. La yuqal lima amarana bihadha rabbuna. On ne dit pas pourquoi notre Seigneur nous a ordonné de faire ceci, ou nous a ordonné de nous écarter de faire ceci. Bel nakul, mais on dit bima amarana rabbuna. On doit dire quoi? Qu'est-ce que Allah, qu'est-ce que notre maître nous a ordonné de faire? Je vais vous expliquer. On dit ça, on peut dire ça comme ça ou on dit d'une autre manière. Les gens d'avant, donc les salafs, les premières générations de l'islam et qui étaient bien sur la compréhension du Coran et la Sunna, eux, comme par exemple les Sahaba, surtout les Sahaba, donc les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient, donc disait par rapport au prophète, qu'est-ce que Allah, qu'est-ce que notre maître, qu'est-ce que Dieu, avec un D majuscule, qu'est-ce que Allah nous a ordonné de faire, d'accord? Ce qu'on veut faire, on veut, qu'est-ce qu'il nous a ordonné de faire? Il disait ça. Petit à petit, les gens ont commencé malheureusement à dire, mais pourquoi Allah il nous a ordonné de faire ça? D'accord? J'espère que vous comprenez la subtilité. D'accord? Et la différence entre ceux qui sont vraiment bien guidés et ceux qui commencent à s'égarer. On ne va pas avoir, cet état d'esprit qui est, mais pourquoi Allah nous a ordonné ceci? Mais pourquoi Allah nous interdit cela? Déjà là, il y a un petit problème dans le yakin, dans la certitude. si tu as la certitude que Allah Azzawajal est ton maître, qu'il a tout créé, qu'il connaît mieux que tout le monde, d'accord? À ce moment-là, il n'y a aucun problème si tu as cette certitude. Mais tu n'en as vraiment aucun problème. Tu ne vas pas demander, mais pourquoi c'est autorisé? Pourquoi ça c'est haram? Pourquoi c'est obligatoire? Pourquoi ça c'est ceci, c'est cela? Pourquoi Allah nous a donné ça? Tu n'as pas à avoir de ça. Si tu as la foi véridique, la foi avec certitude, tu sais que Allah Azzawajal, s'il t'ordonne de faire une chose, c'est qu'il y a un bien dans cette chose. Et que s'il t'a dit une chose et qu'il y a un mal dans cette chose, t'as pas besoin de te poser la question, mais pourquoi c'est haram, pourquoi c'est halal, pourquoi c'est wajib, etc. Tu es tranquille, tu es apaisé. Et c'était le comportement des Sahaba envers Allah Azzawajal et ensuite envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça que nous devons avoir et faire ce qu'on appelle le djihad nefs. Parce qu'il y a le djihad contre les kuffars avec l'épée et avec la parole, mais aussi, comme je l'ai déjà dit, un djihad nefs et qu'aucun savant ne le renie. Qui a un djihad nef, un djihad contre son nefs à faire, d'accord? Barakallahu fikoum, on doit avoir la certitude. Et non pas prétendre qu'on a la certitude, mais dans notre comportement envers Allah Azzawajal, on doit le ressentir, on a cette certitude. Allah a rendu ceci obligatoire, il n'y a pas de problème. Même si je fais le péché, je ne fais pas, je ne vais pas demander, mais pourquoi ça c'est obligatoire? Vous comprenez? Et pareil pour l'interdit. Faites attention. Et bien aussi faire la différence entre la certitude et le fait de faire un péché. Il est 22h15. J'ai fini, alhamdoulilah. Nous avons fini la deuxième condition. Donc demain, inshallah, nous prendrons la troisième condition, inshallah. Je vais vous laisser le micro pour les questions, pas autre chose que les questions et sur le cours qu'on vient de faire maintenant, pas autre chose que le cours qu'on vient de faire maintenant. Barakallahu fikoum. Pouvez-vous donner la source de la parole? On ne dit pas pourquoi le Seigneur, mais on dit Baraklofik. Alors, comme je l'ai dit, je n'ai pas dit que c'était la parole du prophète, mais je n'ai pas dit non plus que c'était une parole d'un sahabi ou autre, mais je dis on trouve ça parmi les paroles des savants et on peut aussi notamment trouver par deux, comment dirais-je, deux sortes. Si je me rappelle bien, c'est notamment dans le char de l'Aqidat Tahawiyya qu'on trouve cette parole. Alors, Abou Mouraz dit, si on demande pourquoi on n'a pas le yakin, non, attention, je ne dis pas que si on demande pourquoi Allah nous a ordonné ça ou interdire ça, la personne n'a pas le yakin, donc en fin de compte, elle ne profiterait pas. Si j'ai bien compris, ça peut devenir un début de perdre le yakin, d'accord? Ensuite, il y a aussi une chose, je ne voulais pas trop rentrer là-dedans, mais bon, là, je vais quand même l'expliquer, parce que bon, après, avant même que vous me posiez la question, Inch'Allah. Est-ce qu'il est interdit ou vraiment mauvais à chaque fois de savoir le pourquoi c'est interdit, pourquoi ceci est obligatoire et pourquoi ceci est interdit? Sachez que pour certains cas ou pour certains groupes de personnes, je pourrais dire, ce n'est pas du tout interdit, mais c'est même conseillé, voire même obligatoire. Comment ça? Et bien, si un jour on va, et j'aimerais bien qu'on le fasse étudier, j'aimerais bien qu'on étudie au sol le fiqh, les bases du fiqh, les fondements du fiqh. Quand on va étudier al-qiyas, eh bien, il faut savoir al-illa, al-sabab, la cause qui a fait que ceci est obligatoire. Et quand on n'est pas dans l'état d'esprit, comme aussi dans la. Vous avez vu, j'ai mis une intonation. Quand j'ai dit, mais pourquoi Allah nous a ordonné ceci? J'ai mis cette intonation. C'est quand on a cette intonation. C'est pour ça que j'ai parlé de subtilité. D'accord? La personne qui dit, c'est qui. Vous savez, la personne qui va dire. Mais pourquoi Allah nous interdit de boire l'alcool? Mais pourquoi, si on boit juste un petit verre, on n'est pas saoul? Mais pourquoi? Vous comprenez que c'est là qu'ils disent ceci dans cette parole, ils commencent un peu quand même à douter et à remettre en cause l'interdiction de l'alcool, si on en boit qu'un tout petit peu, avec la modération, tout ça. C'est grave, c'est dans cette manière-là. Par contre, quand on va étudier, Inch'Allah, au soulfiqh, et non dans le chapitre du Al-Qiyas, l'analogie, eh bien, là, on va être obligé de chercher le pourquoi. Alors, il l'a. Qui est le sabab, le pourquoi de la cause de l'obligation, de l'interdiction de certaines choses. Non pas pour remettre en cause l'ordre ou l'interdiction d'Allah, non, mais pour pouvoir faire une analogie avec d'autres. Je vous explique. Comme on donne avec un exemple qu'on donne toujours à chaque fois dans le fil, qui est très bien, c'est par rapport à l'alcool et les drogues. Est-ce que Allah Azzawajal ou son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont interdit la cocaïne, l'héroïne et autres drogues qui peuvent exister? Elles ne sont pas marquées. D'accord? Elles ne sont pas marquées. Par intraveineuse, par exemple, en fait, on met dans une seringue et hop, on s'injecte ça dans le sang. On s'injecte cette drogue dans le sang. Ce n'est pas marqué, ni même cette façon, on ne veut pas l'alcool en mettant dans le sang. Alors, comment on va prouver et comment on peut se permettre de dire que la cocaïne et l'héroïne, eh ben, c'est haram? Comment ça se fait? D'où dans le Coran et la Sunna? Eh bien, on va apprendre ce qu'on appelle El Qiyas, l'analogie qu'on va étudier, Inch'Allah. Et il y a une règle, c'est que tout ce qui fait partir la raison, tout ce qui enlève la raison, eh bien, ça prend la loi du kham, de l'alcool, du vin, de l'alcool. Donc, ça prend son hukm, son jugement qui est haram, qui est le haram, donc l'interdiction. D'accord. Donc, pourquoi Allah Azzawajal interdit l'alcool? Eh bien, on fait des recherches, on s'aperçoit qu'en fin de compte, c'est pas. Et quand on pose la question, c'est en tant que, comment dirais-je, en tant que scientifique, entre guillemets, d'accord? C'est pas en tant qu'en fait de remettre en cause cette interdiction, mais c'est pour savoir le pourquoi du comment, afin de que pour savoir si seulement cette interdiction d'alcool et du vin, c'est seulement pour ce qui est les boissons alcoolisées, ou est-ce que autre chose qui est boisson alcoolisée peut prendre le jugement qui est l'interdiction. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Dans ce cas-là, il est tout à fait autorisé, même demandé, de chercher le pourquoi de l'interdiction ici. D'accord? J'espère que je me suis bien comprendre avec ceci. Barakallahu fikoum. Alhamdulillah. Mais c'est très important d'ailleurs de préciser cela, Inch'Allah. Et donc le pourquoi. Ah, d'accord. Ok, Abou Mourad, Inch'Allah, a compris le but voulu que j'ai voulu. Au début, je ne voulais pas en parler, je ne veux pas rentrer dans cette explication, mais honnêtement, vous avez bien fait quand même de la poser, parce qu'il faut quand même le dire, parce que justement, il peut y avoir des, ce qu'on appelle des choubouas, des ambiguïtés après, pour certaines personnes qui m'écoutent et ne peuvent pas très bien comprendre le pourquoi de cette question. Il ne faut pas demander le pourquoi. De ce pourquoi Allah a interdit ceci et ou autorisé. Vous avez compris, Inch'Allah, dans quel sens, c'est à partir de quand que ceci est blâmable. Y a-t-il d'autres questions ou remarques sur ce que j'ai dit afin de bien clarifier, d'accord? Parce que ça, c'est aussi important. Si vous pensez que c'est des choses qui ne sont pas claires ou ambiguës de ce que j'ai dit, comme par exemple pour cette parole, dites-le afin que j'enlève ton ambiguïté, ou si je me suis trompé, que je revienne de mon erreur. Je demande à Allah Azzawajal surtout de me faire voir mes erreurs en tant qu'erreur et de me faire de faire en sorte que je m'écarte des erreurs. Allahumma arina al-haqqa haqqa. وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. C'est une dua qui est très importante, qui est très intéressante, qui veut dire oh Allah, savoir que Allahumma, ça veut dire ya Allah, le mime qui est à la fin de, parce que Allahumma, il y a Allah et après il y a ma, il y a le mime mushaddada, le mime mushaddada ça remplace le ya, donc c'est oh Allah, arina al-haqqa haqqa, fais-nous voir la vérité en tant que vrai. Et accorde-nous le fait de la suivre, la vérité. Et fais-nous voir la chose nue, la chose donc, qui n'est pas juste, en tant que pas juste. Parce qu'on peut, des fois, vous savez, personne ne peut voir voit une chose qui est vraie, mais en fin de compte, il est égaré, il la voit qu'en tant qu'injuste. Donc, la deuxième partie de la Dora. Et fais-nous voir la chose qui n'est pas juste, d'accord, la chose fausse en tant que fausse. Et accorde-nous le fait de s'en écarter. Donc apparemment il n'y a pas deux questions. Et alhamdulillah, il n'y a pas non plus ce soir alhamdulillah de débordement. Alhamdulillah. Bon bah le cours inchallah va se finir. Si quelqu'un veut dire une petite pointe d'humour, je lui autorise qu'il le fasse. Oui. Donc, Inch'Allah, je vais clore le cours d'aujourd'hui. Je remercie tous. Barakallahu fikoum pour vos interventions et aussi pour vos silences, pour votre comportement. Barakallahu fikoum. Et je vous dis à demain, Inch'Allah. Alors, Abou Mohamed Soldafir, de ceux qui n'ont ni la science, ni l'écrit, ni l'ikhlas, a une question. sur le takfir de ceux qui n'ont ni la science, ni le yakin, ni le ikhlas. On n'a pas encore dit l'ikhlas, hein. Ça va venir. C'est-à-dire sur le takfir. Takfir. Il y a quelque chose que j'ai pas lu plus haut, excuse-moi. Ah, je vais voir, Inch'Allah. Plus haut, mais je vois pas exactement par rapport à quoi. Dans tous les cas, pour le faire, le taïfé d'une personne par exemple qui n'a pas l'yakin, la certitude, c'est simple, inshallah. Une personne qui est musulmane, d'accord, une personne est musulmane. Si jamais il dit devant des personnes, devant des musulmans, de manière claire, il dit moi je ne sais pas si le jour de la résurrection c'est vrai ou pas, je sais pas. Il a, en fin de compte, mis, il a douté sur un des piliers de l'Iman, comme vous savez, qui est le jour de la résurrection. D'accord ? Ou qui dit, oh, moi je sais pas si le Coran, en fin de compte, c'est la parole d'Allah. Oh, je sais pas si Mohammed, en fin de compte, c'est le messager. Oui, j'atteste que la ilaha illallah, Mohammed Rasulullah, je suis musulman, mais je sais pas, je doute quand même, est-ce que le Mohammed, c'est le messager d'Allah. S'il le dit de manière ouverte comme ça, on fait un takfir sur lui. Ça, il n'y a pas de problème, il y a un ijma, il n'y a pas de problème. Maintenant, une personne musulmane, d'accord, en lui-même, il se pose la question. Et il reste sur ce doute. Mais il le doute vraiment. C'est-à-dire que c'est pas, ça ne lui passe pas par la tête, puis après, il le fait fuir. Ça peut arriver. Il y a des hadiths, notamment de sa musulmane, il est toujours musulman. Mais la personne qui vit avec ça et qui en lui-même, il a vraiment un doute. En lui-même, il doute que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un messager, ou que le Coran, c'est la parole d'Allah, ou des choses, ce genre de choses-là, d'accord? Mais qui ne va pas le dire devant tout le monde, mais ça, en fin de compte, c'est sa croyance, c'est sa akida, il est dessus. C'est pas une chose qui passe de temps en temps par sa tête, qui se pose la question, mais en fin de compte, est-ce que le Coran, c'est la parole d'Allah? Et puis après, astaghfirullah, il dit astaghfirullah, il n'y a pas de problème. Lui, il est toujours un musulman, mais il dit a'ouzou billah, il va dire, oh, je cherche protection auprès d'Allah, comme on trouve ça dans le Sahih de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, mais ça, en fin de compte, c'est l'iman. En fin de compte, ça peut être juste un west du shaitan. Mais la personne dont il a, en fin de compte, c'est sa croyance en lui-même. Comme quoi, le Coran, c'est tout à fait possible que ce soit pas la parole d'Allah ou que le prophète Mohammed, c'est possible comme quoi ce soit pas un prophète. D'accord? C'est une croyance en lui-même. Nous, on ne le sait pas, il n'est pas dit ouvertement. Donc, on lui donne l'islam. Mais Allah Azza wa Jalla le sait, ce qu'il y a exactement dans son cœur, sa véritable croyance. Et donc c'est un kafir. Donc ça s'appelle un munafiq, c'est-à-dire que si on ne le sait pas, on donne la loi de l'islam, il est musulman pour nous, mais pour Allah Azza wa Jalla, c'est un kafir. Voilà. J'espère que j'ai répondu, que j'ai compris cette question par rapport au takfir de celui qui n'a pas al-yakin ou al-ilm ou une autre. On va voir. Tu parles de ceux qui font le shirk. Alors le shirk, non, voilà. Là, pour l'instant, on a étudié la condition du al-ilm et de al-yaqin. On n'a pas étudié, par exemple, l'ikhlas encore. Donc, sur toutes ces formes. Mais là, c'est oui, mais le shirk, définir exactement toutes les formes, c'est d'un autre cours qui va venir, inshallah, comme j'ai dit hier, il y a une petite risala spécifique, d'accord. Donc, on va en parler. Les formes de shirk, ce n'est pas maintenant. À chaque sujet, son cours. Je ne peux pas faire en un seul cours l'excuse de l'ignorance, toutes les formes de shirk, les formes de kufr, etc. Chaque chose en son temps. Barakallahu fikum. On ne peut pas demander maintenant, dans les questions, et j'ai déjà dépassé le temps, de faire le cours sur les formes de shirk. Ça va prendre notamment plusieurs cours. Alors, je viens de le dire, celui qui ne sait pas la signification du la ilallah, c'est la même chose. Alors là aussi, entre guillemets, je vais juste mettre, comment dirais-je, une petite précision. Une personne peut dire, je ne sais pas ce que ça veut dire, la ilaha illallah, mais en fin de compte, il est musulman, il n'y a pas de problème, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance, il sait qu'il n'y a pas de divinité par droit, sauf Allah. Et il a ça en lui, il l'a. Et il sait que dans l'islam, il ne faut pas adorer autre que Allah, d'accord? Et que c'est... ça fait vraiment partie de l'islam, c'est ça l'islam. Il ne faut pas adorer autre qu'Allah. Et celui qui adore autre qu'Allah, c'est un mécréant. Mais cette parole là, ilaha illallah, en fin de compte, il n'avait jamais fait le rapport que ça, en fin de compte, c'est le sens de cette parole là, ilaha illallah. Donc si on dit à cette parole, à cette personne, tu sais ce que ça veut dire, là, ilaha illallah, il va dire non. Alors, est-ce qu'on fait un takfir sur lui? Oh, il faut, non, il faut faire attention. Ça se trouve, il sait ce que ça veut dire, la ilaha illallah. Mais il n'a jamais fait le rapport qu'en fin de compte, que de ceux qui savent, c'est-à-dire qu'il sait qu'il ne faut pas adorer sauf Allah, il n'a pas fait le rapport qu'en fin de compte, c'est le sens de la ilaha illallah. J'espère que je me suis bien fait comprendre pour ça. Barakallahu fikoum. Donc, il faut faire bien attention aussi. Donc, quand on fait un takfir, il faut faire très attention. Une personne peut dire, moi je ne sais pas ce que ça veut dire la ilaha illallah, mais en fin de compte, il a la connaissance du la ilaha illallah. Seulement, comme je dis, il n'a pas fait le rapport, en fin de compte, c'est la connaissance qu'il a du la ilaha illallah, et bien c'est le sens du la ilaha illallah. D'accord ? Donc il a la condition du la'im, il l'a. Bon, Inch'Allah, il est 22h30, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Je vous dis à demain. Barakallahu fikum. Et j'ai rien d'autre à dire. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayhi.